heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans Autour de vous, nous parlons d'un petit peu de tout. Aujourd'hui, nous allons parler de recyclage des déchets. Pour ça, je suis avec Elodie. Elodie, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, ça va très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Donc moi je m'appelle Elodie Geneste, je suis la directrice de la communication et la prévention d'Evodia. Donc je pense qu'on va effectivement décliner ce qu'est Evodia. Donc ça fait 6 ans que je suis arrivée dans les Vosges, ça fait 10 ans que je suis tombée dans la poubelle, dans les déchets, et je viens de voir que j'ai à peu près l'âge de votre radio. Donc voilà, 40 ans. J'aime beaucoup cette présentation, je suis tombée dans la poubelle. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, avant d'arriver dans les Vosges, je travaillais dans un type de collectivité comme Evodia à Besançon. Voilà, donc c'est pour ça que je suis arrivée par hasard dans les déchets et finalement je me suis attachée à cette thématique-là. Depuis quand elle existe, la société Evodia ? Alors Evodia, en fait, c'est une collectivité territoriale, on n'est pas du tout privé, hein. On a un service d'intérêt général, donc ça fait 30 ans. On a soufflé notre 30e bougie cette année, donc la structure a été créée en 1992. C'était une volonté politique au départ. Initialement, c'était les communes qui devaient gérer les déchets, donc 500 communes des Vosges devaient gérer leurs déchets, donc c'était assez compliqué et difficile. En fait, il y a un sénateur, donc Monsieur Braun, qui a été interpellé par différents maires en se disant ce serait quand même bien qu'on ait une collectivité qui mutualise, qui optimise le traitement des déchets, parce que ça coûte cher, hein, le traitement des déchets. Une usine d'incinération, vous imaginez que ça ne coûte pas 5 000 euros. Mm-hmm. On rajoute un zéro de plus derrière. Donc l'idée de cette structure, c'est de mutualiser, d'optimiser les coûts, le service aussi, et de dire que finalement, un habitant de Neufchâteau ou de Saint-Dié-des-Vosges puisse bénéficier du même service et au même prix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Evodia ? Alors, en fait, c'est une question d'opportunité. C'est vrai que Evodia, donc ce qui veut dire établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Donc, on est un syndicat de traitement des déchets. Et ce qui m'a donné envie de venir dans les Vosges, c'est la politique menée. De se dire, finalement, il y a pas mal d'actions, les élus, la direction, qui étaient vraiment enclins à mettre toutes les actions possibles. J'allais dire inimaginables, peut-être pas, mais en tout cas, accompagner le plus possible les habitants, les entreprises pour réduire leurs déchets. Voilà, c'est ça qui m'a véritablement motivée dans ce poste-là. Et vous faites quoi là-bas du coup ? Alors moi, j'ai une double casquette. La première, c'est la communication. Donc, je gère le service communication. Donc, quand on dit communication, ça peut être aussi bien animer des stands lors de manifestations. On ouvre aussi les portes de nos installations industrielles de traitement des déchets. Donc, faire visiter aussi les sites. On crée aussi des campagnes de communication. À l'heure actuelle, on en a une autour. Il ne faut pas être magicien pour pouvoir bien trier ses déchets. On a aussi nos réseaux sociaux, sites internet, supports de communication divers et variés pour sensibiliser le grand public. Donc là, c'est la première casquette. Et la deuxième, c'est mener des projets autour de la prévention des déchets. Donc c'est un peu obscur quand on dit prévention. Quand je dis que je travaille dans la prévention, il y en a qui pensent prévention routière, donc non. En fait, la prévention des déchets, c'est réduire les déchets. En fait, c'est, comme on dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc du coup, c'est mettre en place des actions comme le compostage, comme mettre en place des couches lavables, faire la promotion du vrac, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces déchets, l'utiliser par exemple tout ce qui est objet réutilisable, coupe menstruelle, culotte menstruelle, et j'en passe. Et vous pensez quoi des gens qui laissent par exemple leur masque usagé dans la nature ? Ah, il y en a beaucoup. Oui, voilà, effectivement, les incivilités, comme on les appelle, c'est toujours la question de donner du sens, en fait. C'est-à-dire que quand les personnes jettent, c'est comme les mégots de cigarettes dans la nature, ils ne se rendent pas forcément compte, en fait, de l'impact. On se dit, c'est un petit geste, c'est mon petit masque, c'est mon petit mégot de cigarette. Mais finalement, à l'échelle d'un département, ça commence effectivement à faire des tonnes et des tonnes. Et ça a un véritable impact sur, déjà, la toxicité d'un mégot ou d'un masque. masque, de se dire finalement ça va polluer déjà le sol, ça pollue aussi visuellement. Je veux dire, on a quand même un beau territoire, mm-hmm. et c'est fort dommage quand on se balade dans nos belles montagnes de découvrir des masques, etc. Et puis se dire aussi que si c'est pas au bon endroit, il pourra pas être bien traité ou même valorisé, quoi. Mm-hmm. Voilà. C'est surtout ce qui est aberrant, c'est que bien souvent, le masque est jeté à quelques mètres de la poubelle. Oui, c'est ça. Après, c'est compliqué après de lutter contre la fainéantise des gens. Mm-hmm. Mais encore une fois, je pense que les personnes ne se rendent pas compte que finalement, on peut tous être acteurs à notre niveau pour le bien-être aussi en société, le bien-être pour la collectivité, les citoyens, le territoire, quoi. Donc c'est vrai que ça, pour nous, c'est vraiment notre cheval de bataille aussi, de se dire qu'on n'est pas, nous, dans la moralisation. On se rend bien compte que mettre en place chez soi ou dans une crèche des couches lavables, c'est pas évident non plus. Mm-hmm. Pour autant, il y a des petits gestes qu'on peut mettre en place, et un petit plus petit, ça commence à faire un petit peu c'est un peu l'histoire du colibri, quoi. C'est véritablement important pour nous, et chacun à notre niveau, on peut agir. Voilà, le consommateur peut agir. Souvent, nous, ce qu'on entend, c'est pendant les visites du centre de tri notamment, moi je vais pas commencer à faire à trier mes déchets, parce que déjà, si les industriels faisaient leur travail, on n'en serait pas là. Mm-hmm. Mais pour autant, très clairement, le consommateur peut aussi, dans ses modes de consommation ou quand il va au supermarché, ne serait-ce qu'acheter du vrac, c'est-à-dire qu'on refuse aussi l'emballage plastique, c'est un acte déjà citoyen pour faire aussi bouger les choses, quoi. Il y a par exemple dans les grandes enseignes de fast-food, maintenant ils mettent plus les pailles, enfin ça fait un moment déjà, dans les gobelets. Mm. C'est que l'opercule est un peu, je crois que c'est en carton. Oui, alors effectivement, il y a des évolutions, hein, donc c'est pareil, ça prend du temps. Ça peut paraître des gestes anodins, mais c'est vrai que souvent, quand on n'est pas chez soi, il y a une espèce de déresponsabilisation, en se disant « je suis au restaurant, je m'en fiche un petit peu des déchets que je produis, ou quand je vais dans une manifestation, ou quand je suis sur mon lieu de travail ». Mais pour autant, c'est quand même bien qu'il y ait des restaurateurs ou même effectivement les fast-food qui mettent en place ce genre d'action pour inciter, en tout cas valoriser, recycler, on va dire, les déchets qui peuvent l'être, quoi. Alors juste un petit truc, c'est qu'en fait c'est bien de faire l'emballage en carton, mais c'est pas pratique pour boire, parce qu'il faut lever la petite languette sur le dessus. Et bien souvent, soit on n'arrive pas à boire, soit ça arrive d'un coup. C'est ça. Après c'est l'ergonomie. donc voilà. Après là, c'est pas trop mon rayon, mais voilà, on sent qu'ils veulent faire quelque chose. Je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin, mais voilà, c'est déjà un premier geste. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types? Alors moi, j'ai pas de journée type, en fait. Hein. Chaque journée ne se ressemble pas. C'est ce qui est passionnant dans ce travail. Très clairement, moi, mes missions, en tout cas première, c'est effectivement manager et diriger ma belle équipe, pouvoir les conseiller également. Ensuite, je travaille aussi beaucoup avec les élus. Je les conseille, je les accompagne pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Hein. Moi, entre guillemets, je suis qu'une technicienne au service des élus. Donc, c'est pas moi qui prend la décision, mais en tout cas, je leur donne toutes les clés possibles pour qu'ils puissent, eux, prendre une bonne décision. Ça peut être participer aux interviews, participer à l'organisation d'événements, participer aussi, on est assez reconnus au niveau national. Des fois, j'interviens dans des congrès, des colloques ou des groupes d'échange sur Paris. Donc, c'est assez riche et diversifié comme mission. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres émissions de radio comme celle-ci ou des émissions de télé aussi ? Oui, effectivement. Donc, j'interviens des fois, pas tout le temps. Les gens seraient lassés. par exemple, Vosges Télévisions, on peut intervenir chez eux. Et puis, toutes les radios aussi à local. Nous, c'est vraiment important, en tout cas, de garder le lien avec les médias locaux, parce que vous êtes pour nous un relais véritablement important. Parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas communiquer comme ça auprès de 380 000 Vosgiens. Donc, pour nous, c'est véritablement important d'avoir cette porte, cette possibilité, cette porte d'entrée, vous diffusez dans les foyers, ce qui permet de sensibiliser les habitants sans qu'ils se déplacent déjà. Et puis avoir ce relais-là, pour nous, c'est véritablement important, parce que des fois, on peut avoir, alors là, c'est plutôt le contexte national, des fois, il peut y avoir une défiance de ce que disent les collectivités, les élus, et passer par les médias, je trouve ça, c'est une autre portée, en tout cas. Mm-hmm. Donc pour nous, c'est vraiment complémentaire et essentiel d'être en lien avec vous et des structures comme la vôtre. Disons que c'est plus facile et plus naturel de faire ça à la radio que dans les versions papier, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui sont, voilà, ils aiment bien avoir leur petit papier. Par exemple, je prends les consignes de tri, ça dépend aussi de notre type de mémoire. Une personne aime bien avoir chez elle, bah, voilà, les consignes inscrites. Il y en a qui préféreront bah, sous forme de vidéo, il y en a qui préféreront bah, voilà, des émissions radio comme la vôtre. L'idée, c'est vraiment d'avoir une complémentarité en termes de communication pour toucher un maximum de personnes. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez de vos collaborateurs il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qu'ils font, du coup ? Alors, au sein du pôle communication, on est sept. Donc, on a Manon qui est effectivement voilà, dans le studio. Donc, Manon, elle est chargée de communication autour des nouvelles consignes de tri, de la collecte sélective, donc les déchets recyclables. Donc, elle connaît bien le sujet. Elle est arrivée peu de temps, mais en tout cas, voilà, elle a pris la mission à bras-le-corps. On a aussi une graphiste qui, bah, justement, réalise les différents supports de communication. On a trois personnes en charge de l'animation, donc ils sont voilà, quand vous voyez des stands d'Evodia ou quand vous venez visiter centre de recyclage, usine d'incinération, centre de tri textile, bah, c'est elles qui animent et qui vous font découvrir voilà, le merveilleux monde des déchets. Et puis on a une responsable de l'événementiel et puis moi, voilà. Alors je voulais savoir s'il y a une différence entre l'écologie et l'environnement. Oula. Parce que je peux avoir mon joker. À mon sens, pas forcément. Je dirais, alors c'est vrai qu'on parle d'écologie, d'environnement. Moi, j'ai envie plutôt d'ajouter le développement durable. C'est vrai que c'est vraiment une notion pour nous qui est importante parce que dans le développement durable, il y a véritablement trois piliers. Hein, l'aspect environnemental, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement. L'aspect sociétal, c'est important aussi d'intégrer un maximum de personnes dans la démarche. Et l'aspect économique, et c'est vrai que c'est vraiment ces trois pans-là sur lesquels nous, on agit. Alors, à travers plusieurs missions, hein. L'économie, pour nous, c'est important. On se considère, en tout cas, être un acteur économique du territoire parce que, par exemple, la gestion des déchets, quand je dis gestion des déchets, c'est aussi bien la collecte, le traitement que le recyclage. Ça représente quand même 2500 personnes qui travaillent pour la gestion des déchets sur l'ensemble des Vosges, ce qui n'est pas anodin. Et on est aussi un acteur économique parce que notre volonté, c'est de travailler véritablement avec les entreprises du recyclage ou alors des associations de l'économie sociale et solidaire pour permettre un modèle économique autour de l'économie circulaire. Voilà. Nous, on a fait le calcul. Notre budget, on a un budget de fonctionnement de 30 millions d'euros. Et en fait, quand on dépense 10 euros, on en réinjecte 9 euros dans l'économie vosgienne parce qu'on travaille effectivement avec des structures locales. Alors, nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de parler d'Evodia. À tout de suite sur le 107. T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Prends garde sous mon sang là, creux. voilà de retour avec Elodie pour parler d'Evodia. Alors, c'est quoi la spécialité d'Evodia, Elodie ? Alors, la spécialité, je ne sais pas si on peut dire une spécialité, mais en tout cas, notre mission première, c'est le traitement des déchets. Donc, c'est important d'expliquer, en fait, en tout cas, dans les Vosges, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a des structures qui gèrent la collecte, notamment, voilà, sur votre territoire, c'est le Sicovat. Donc, c'est les camions qui passent en bas de chez vous. Mm-hmm. Et une fois que le déchet a été collecté, c'est nous qui gérons la suite, avec différentes destinations, si je puis dire. Par exemple, votre poubelle grise, donc, que vous déposez, qui ne disparaît pas par magie de votre trottoir. Donc, effectivement, sur votre territoire, c'est le Sicovat qui intervient. Donc, une fois que la poubelle grise est collectée, ensuite, elle part à l'unité de valorisation énergétique sur Ambervillers. Donc, c'est un mot un peu barbare qui veut dire qu'en fait, on utilise en fait la chaleur qui est produite par le brûlage de vos déchets pour en fait alimenter un réseau de chaleur urbain, donc qui permet de chauffer une partie de la ville de Rambervillers. Ensuite, il y a la poubelle jaune que vous déposez également sur votre trottoir. Donc là, la poubelle jaune, tous les déchets recyclables atterrissent au centre de recyclage situé à Chavlot, à côté d'Épinal. Et puis, on gère aussi tous les déchets que vous déposez en déchetterie. Voilà, donc c'est vraiment nos trois grosses missions. Et puis, on a également, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, toutes nos actions, en tout cas, pour réduire les déchets. Voilà, c'est nos quatre grosses missions. Alors, vous disiez juste avant la pause musicale que vous travaillez avec des élus locaux. Du coup, ils font quoi ? Alors, en fait, c'est une collectivité, on va dire, voilà, c'est une structure, en fait, c'est un groupement de communes, Evodia. Et en fait, les élus, c'est eux qui décident, qui mènent la politique, en fait, de traitement des déchets sur l'ensemble des Vosges. Donc, en fait, on a un président, donc, qui s'appelle Patrick Lagarde, qui est le maire de Cleury et qui est au sein de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Il a, effectivement, autour de lui, 10 vice-présidents, parce que, donc, Evodia, en fait, on est donc un regroupement de collectivités, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on a 10 collectivités qui participent à Evodia. Donc, c'est les 10 comités de communes, plus effectivement des syndicats de collecte sur l'ensemble des Vosges. Donc, ils se réunissent, on va dire, allez, toutes les 6 semaines. Et puis, ils décident collectivement, en fait, de... on peut prendre quand même l'exemple, effectivement, de quand on a mis en place les nouvelles consignes de tri au 1er janvier 2021. Bah, ça a été une décision politique en disant, bah, allez, on se lance au 1er janvier 2021, tous ensemble, sur l'ensemble du territoire des Vosges, de dire bah, tous les Vosgiens trieront au 1er janvier de la même manière les déchets recyclables. Donc ça, c'est une décision, ce qu'on appelle une décision politique. Et une fois que la décision est prise, et bah, du coup, les services d'Evodia, en lien avec les services des collectivités, bah, on se met tous en ordre de marche pour appliquer en fait, les décisions politiques. J'ai vu sur votre site, Evodia en quelques chiffres, c'est 10 collectivités qui adhèrent à Evodia. Mmh. Evodia traite les déchets des 385 450 Vosgiens, c'est très précis. 164 500 tonnes de déchets traités en 2021 et le budget de 30 millions d'euros que vous parliez juste avant. Alors, quelles sont les 10 collectivités adhérentes d'Evodia ? Alors, attention, que je me souvienne. Non, 10. Alors, on va partir de l'ouest jusqu'à l'est. Donc, on a la communauté de communes de l'ouest vosgien. On a la communauté de communes de Mirecourt-d'Ampère, de Terre-d'Eau, le Sicotral, le Sicovad, la région de Rambervillers, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, la communauté de communes de Gérardmer-Haute-Vosges, des Hauts-de-Vosges et des Ballons des Hauts-de-Vosges. C'est quoi la différence entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération ? Alors, tout simplement, c'est la taille, le nombre d'habitants. Voilà, une communauté de communes, alors là, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est en dessous de 20 000 habitants, et au-dessus de 20 000 habitants, on a une communauté d'agglomération, et plus, en fait, le nombre d'habitants est important, plus ensuite, ça se transforme en communauté urbaine comme Strasbourg, etc., etc., quoi. Voilà, c'est la taille. On va peut-être pas rentrer dans le détail des missions et compétences, mais en tout cas, voilà, c'est dans cet ordre-là. Vous évoquiez la Sicovad, mais la Sicovad, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est le Sicovad. Donc, le Sicovad, en fait, gère effectivement la collecte des déchets. Donc, les camions qui passent en bas de chez vous, c'est effectivement le Sicovad qui adhère à notre collectivité pour qu'on traite les déchets des Vosgiens. Voilà. Et le ou la Sicotral, c'est quoi ? Alors, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, si ce n'est que donc, le Sicovad, on va dire, c'est un tiers du département des Vosges, donc la frange au milieu. Et le Sicotral, c'est au sud-ouest. Hein, voilà, Bains-les-Bains, Darnay, Lérins, etc. Voilà. Combien est-ce qu'il y a d'agents pour récolter les déchets ? Alors, donc là, ça va être une question compliquée. J'ai pas forcément la réponse. Ça dépend effectivement si les collectivités gèrent elles-mêmes ou font appel à une structure privée. Donc, j'aurais pas forcément la réponse. Mais ce qui est important, c'est que nous, effectivement, on est une vingtaine d'agents. Et puis, dans chaque collectivité, je saurais pas dire, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, ça représente plus de 2000, en tout cas, employés qui travaillent pour le traitement, la gestion, la collecte et le recyclage des déchets sur l'ensemble des Vosges. Combien il y a de tonnes de déchets traités par an ? Alors, Evodia, donc là, les chiffres ont encore évolué. On va dire qu'on est on traite 177 000 tonnes de déchets par an, donc c'est pas une paille, comme on dit, ce qui équivaut à peu près, on va dire, 500 kilos par an et par habitant. Mm-hmm. C'est assez important comme chiffre. Pour autant, il y a eu une augmentation après le post-Covid. C'est une augmentation qui est aussi vue au niveau national. Il y a une augmentation de la production des déchets. C'est vrai que c'est important aussi, et le pourquoi on ouvre les portes du centre de recyclage, de l'usine d'incinération et du centre de traitement. J'en ai pas parlé, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est important. C'est aussi que les gens se rendent compte que sa petite poubelle qui dépose toutes les semaines, quand on multiplie par le nombre d'habitants des Vosges, ça fait des monticules de déchets. Et souvent, quand les gens viennent visiter nos installations industrielles, ils en ressortent transformés, mais un petit peu en se disant « mais je me rendais pas compte ». Et du coup, ça donne du sens en se disant « si je trie mal, si je fais mal le tri chez moi, y a des répercussions sur le centre de tri, sur les personnes qui trient au centre de recyclage, etc. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de bien parler du nombre de kilos par an par habitant. Et ça, quand on dit 500 kilos, c'est un peu abstrait. Mm-hmm. Donc, quand on le voit visuellement sur nos installations, c'est un peu la preuve par l'image, quoi. Et encore une fois, c'est pour nous, c'est véritablement important d'ouvrir les portes, parce qu'il y a pas mal de reportages au niveau national qui nous fait du tort, notamment dans le cadre du recyclage des déchets. Alors effectivement, il y a des choses qui se passent au niveau national, mais c'est pas partout pareil. Dans les Vosges, en tout cas, ça n'est pas le cas. Si on demande aux personnes de bien faire le tri de leurs déchets, c'est que derrière, l'objectif, c'est de pouvoir leur donner une deuxième vie, pouvoir les recycler et éviter que tout parte à l'usine d'incinération, ce qui permet des économies de matière, des économies financières aussi derrière. Vous avez 10 axes prioritaires pour cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors après, les axes prioritaires, c'est effectivement, alors il y a pas mal d'actions et d'activités qu'on mène, notamment autour de l'amélioration de la qualité du geste de tri. C'est vrai que du coup, depuis un an et demi, on a changé de consigne de tri. C'est vrai que le geste est acquis, mais pas tout. Donc déjà, c'est sensibiliser les habitants et améliorer la qualité du tri. Il y a également faire la promotion de la réduction des déchets. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, le compostage, le réemploi, la réparation, c'est aussi un axe véritablement important pour nous. On a également autour de comment intégrer les entreprises dans la réduction des déchets ou aussi les manifestations. Donc c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on est beaucoup contacté par les entreprises parce que donc ils ont une démarche RSE et dans cette démarche-là, en gros, faut cocher la case de je trie mes déchets. Donc ils nous contactent dans cet ordre-là et puis finalement ils se prennent au jeu. On leur donne envie d'aller encore plus loin on les accompagne à réduire leurs déchets. On organise même des fois des team building pour lancer des défis entre salariés. Donc ça, c'est vraiment la partie, ce qu'on appelle nous, mon entreprise zéro déchet. Autre activité qui est importante, c'est on vient de créer une association qui s'appelle Éco-Manifestation Vosges. Donc dans ce cadre-là, on accompagne les organisateurs de manifestations à tendre vers des éco-manifestations, donc des l'éco-responsabilité des organisateurs de manifestations, pour les accompagner vraiment en amont, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'organisation de logistique le jour J, et puis après aussi c'est important de faire un bilan, de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, pas bien fonctionné, et tendre pour l'année prochaine, en tout cas s'améliorer là-dessus. Les 10, je ne les ai encore pas tous cités, mais j'en ai sélectionné en tout cas les plus importants. Alors, c'est quoi une société d'économie mixte ? Alors, la société d'économie mixte, donc là, c'est, on va dire, c'est un mode de fonctionnement. Donc, je pense que vous faites référence à Vosges TLC. Mm-hmm. Donc, Vosges TLC, c'est donc le centre de tri des textiles qui se situe à Girmont. Et donc, une société d'économie mixte, en fait, c'est une structure où les actionnaires sont aussi bien publics que privés. Par exemple, dans Vosges TLC, il y a des actionnaires privés et un des actionnaires publics, c'est Evodia. Voilà. Et donc, on a créé cette structure-là pour justement avoir une diversité de personnes autour de la table. Et puis, donc, on a créé le centre de tri textile qui se situe à Girmont. Et donc, tous les textiles que vous déposez dans les bornes oranges, donc il y en a 330 sur l'ensemble des Vosges. Donc, du coup, les textiles que vous déposez dans ces bornes-là atterrissent au centre de tri des textiles. Et ensuite, ben, selon s'ils peuvent être encore portés, eh ben, on les remet... dans le circuit avec les 6 friperies qu'on a ouvertes sur l'ensemble du territoire, ou alors s'ils ne peuvent pas être reportés, bah, l'idée c'est qu'ils puissent être recyclés, être effilochés, etc. Vous avez également un syndicat mixte, c'est quoi ? Alors en fait, c'est le statut juridique d'Evodia. Voilà, un syndicat mixte, alors on n'a rien à voir avec les syndicats ni politiques, ni... en fait, c'est un statut... en fait, on est un établissement public de coopération intercommunale. Et voilà, c'est un statut juridique. Donc voilà, mixte, parce qu'on a aussi bien, comme je disais, des communes que des groupements de communes, que des collectivités en charge de la collecte. Donc la mixité, c'est se dire qu'en fait, c'est les différents types de collectivités qui peuvent adhérer chez nous. Voilà. Mais là, on va rentrer beaucoup dans le juridique. Alors, vous animez différentes animations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, effectivement, donc on a différents types d'animations. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est aussi, nous, notre objectif, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier des personnes qui aimeraient réduire leurs déchets, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Nous, un petit peu ce que j'appelle les ninis, ceux qui ne veulent rien faire, on n'arrivera pas à les toucher. Ceux qui savent faire, bah, c'est très bien qu'ils continuent comme ça. Mais une frange de la population qui ne sait pas comment faire... qui n'osent pas. Et en fait, en organisant des ateliers, nous, c'est beaucoup des ateliers participatifs, bah, on montre aux personnes comment faire pour justement customiser des vêtements, transformer une vieille chemise qu'on ne portera pas en sac à pain. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi des ateliers autour du gaspillage alimentaire. On a notamment une smoothieclette. Donc une smoothieclette, en fait, c'est un mixeur qui est accroché sur un vélo. Et en fait, grâce à la force de nos petits mollets, on fait tourner en fait, le mixeur qui permet de créer des smoothies. Alors, au-delà de l'aspect ludique, hein, c'est aussi de montrer qu'on peut utiliser des légumes et des fruits qui sont un peu tallés, qui sont un peu moches, qu'on ne mangera pas, mais qui peuvent être réutilisés soit en smoothie, soit en soupe, par exemple. On a des animations forcément aussi autour du recyclage des déchets, hein, donner du sens encore une fois aux gestes de tri. Ça peut être également autour du jardinage au naturel, c'est éviter d'utiliser des produits nocifs pour la nature et pour la santé des animaux et des êtres humains. Et puis également le jardinage au naturel, pour nous c'est important parce que quand on voit effectivement bah, les étés qu'on passe avec la sécheresse, bah, c'est aussi inciter les personnes à par exemple faire du paillage, hein, donc c'est mettre effectivement des copeaux de bois au niveau des pieds de, voilà, des plants de tomates, etc., pour éviter bah, déjà que les mauvaises herbes s'installent, donc du coup on utilise moins de produits toxiques, et puis du coup ça permet de garder la fraîcheur sur vos plantes, donc du coup ça évite d'arroser trop, voilà. Donc il y a plein d'astuces, etc., et par exemple, là il y a une quinzaine de jours, on a participé au mouvement 4R, donc le mouvement 4R c'est la promotion du recyclage, de la réparation, du réemploi. En tout cas, voilà, on a fait des ateliers autour de la customisation des vêtements. Donc, on est parti sur 4 concepts, donc là, à l'américaine. Donc, on a organisé donc 4 ateliers. Un qui s'appelait donc Pimp ta culotte. Donc, c'était customiser ta culotte en culotte menstruelle, hein, encore une fois, en termes de réutilisation. C'était ensuite Pimp ton t-shirt, Pimp tes baskets également, et puis Pimp ton jean. Et c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de diversifier, parce que finalement, parler des déchets, c'est comme je dis, c'est pas très sexy pour le commun des des mortels. Donc l'idée, c'est aussi de moderniser l'image et puis de passer sur d'autres prismes en se disant, bah, finalement, voilà, passer par le loisir de la couture. Bah, une fois que la personne vient, s'installe autour de la table pour voilà, customiser son jean, bah, lui, il est là parce qu'il a envie d'apprendre à faire soi-même, voilà, customiser son jean. Mais nous, bah, on fait passer des messages en, bah, voilà, en customisant ton jean, bah, tu évites de le jeter, tu réutilises, tu donnes une seconde vie à ton vêtement et ça permet voilà, de réduire aussi la production de déchets. Donc voilà, on utilise différents prismes pour sensibiliser les habitants. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler des déchets recyclés et transformés par Evodia. Donc on vous laisse donc avec Angèle, Vianney et Boulevard Désert et on se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Elle ouvre les yeux et regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Il lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première, la première crise. Si sur eux tu ne lèves jamais la main, tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux, évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux, mais en attendant de subir le feu. Encore une tempête, encore une alerte. L'orage la guette et ça va sur elle. Encore une tempête, encore une alerte. Ça rage la guette. Les bleus saillants, c'est juste une belle couleur, plus douce que celle de ses yeux. Quand il se met en colère, ça continue de durer. Alors qu'elle lui dit on ne s'aime plus comme avant, il continue dans son déni. Il dit qu'ils vont de l'avant. J'ai été folle de t'aimer si fort, folle d'aimer fort. On fout la peur, la guette quand il crie trop fort. Quand il se jette à son cou, de mieux en mieux. Quand elle n'aura plus à courir derrière eux, un jour ça sera joyeux. Personne ne voit son jeu. Encore une tempête, encore une alerte. L'orage la guette et ça va sur elle. Encore une tempête, encore une alerte. Ça rage la guette. Encore une tempête, encore une alerte. L'orage la guette et ça va sur elle. Encore une tempête, encore une alerte. Ça rage la guette. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Alors nous voici de retour avec Élodie sur les ondes de RGM pour parler des différentes activités d'Evodia. Alors c'est quoi la différence entre le triage et le recyclage de déchets ? Alors le tri des déchets en fait c'est l'acte des habitants qui déposent leur... En fait le tri, souvent dit le tri sélectif, le tri des déchets en fait c'est l'acte de prendre en fait un déchet, de le mettre dans une poubelle pour sélectionner et ensuite partir dans le recyclage. Je ne sais pas si j'ai été claire. Le tri, en fait, c'est ce qui se passe avant le recyclage. Et sans tri, eh ben, y a pas de recyclage derrière. Ça, c'est véritablement important. C'est vrai que voilà, depuis le 1er janvier 2021, on a mis en place des nouvelles consignes de tri. C'est-à-dire que tous les emballages se trient, notamment là, des nouveaux emballages comme le pot de yaourt, le blister, le plastique qui enrobe vos bouteilles d'eau, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est des nouveaux emballages qui se mettent dans la poubelle jaune. Mais par exemple, voilà, à la pause musicale, on parlait avec Laura, par exemple, du papier bulle ou ne serait-ce que... voilà, il y a des objets, dès qu'on a un doute, vaut mieux le mettre en fait dans votre poubelle grise. Mm-hmm. Parce que si vous le mettez dans votre poubelle jaune, en fait, il va donc arriver au centre de recyclage des déchets à Chavlot. Et comme c'est une erreur de tri, bah, il ne partira pas dans une usine de recyclage. Il va repartir dans l'usine d'incinération. Ça veut dire qu'en gros, il aura fait un... Vous imaginez le bilan carbone de votre déchet. Donc voilà, quand on a un doute, sincèrement, donc déjà, allez sur le merveilleux site evodia.org. Je l'ai placé. On a mis en place un moteur de recherche avec plus d'une centaine de déchets. Et si vous ne trouvez pas, ce qui peut arriver, hein, on n'a pas non plus... eh ben, du coup, mettez-le dans la poubelle grise. Voilà. Alors, sur votre page Facebook, il y a une photo avec un magicien qui sort des gobelets en plastique de son chapeau au lieu d'un lapin, une sorte de magicien écolo. Alors, la phrase qui l'accompagne, c'est « Pas besoin de magie pour transformer vos emballages, il suffit de bien les trier ». Comment est-ce que l'on trie vraiment bien les déchets ? Alors déjà, je voulais juste rappeler de cette campagne de communication que vous allez voir fleurir sur l'ensemble du département des Vosges. Donc on a travaillé avec Clément Desmangel, donc c'est un magicien vosgien avec qui on a vraiment co-construit en tout cas les messages. Parce que souvent quand je parlais, voilà, les déchets disparaissent par magie sur le trottoir, c'est un petit peu ça, c'est se dire finalement que on n'a pas besoin, d'être magicien, on n'a pas besoin non plus, d'être très expérimenté pour donner une seconde vie en fait à vos emballages. C'est déjà le premier geste, c'est la première chaîne du tri, souvent ce que je dis, c'est l'habitant. Donc en fait, il suffit bien de les trier pour leur donner une seconde vie. En tout cas, c'était le message de cette campagne de communication, quoi. Alors, on connaît tous les sacs jaunes qui nous servent à trier nos déchets, justement. Alors, je vous ai préparé une petite liste de déchets et vous me direz si on met dans les sacs jaunes ou les poubelles jaunes ou ailleurs. Alors, est-ce que les blocs de polystyrène qui servent à protéger eux aussi les objets fragiles dans les cartons, est-ce qu'on peut les mettre dans les sacs jaunes? Alors, non, vous les amenez en déchetterie, voilà. Et est-ce qu'on met les pots de yaourt avec leurs opercules dans les sacs jaunes ou on trie aussi Alors, là, on va un peu rentrer dans l'épaisseur du trait. L'idée, c'est effectivement de mettre votre pot de yaourt avec votre opercule. Après, voilà, c'est tellement léger l'opercule que déjà, si vous mettez votre pot de yaourt, ce sera très bien. Mm-hmm. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas forcément les laver. Hein, parce que du coup, vous utilisez de l'eau et à l'heure actuelle, si on pouvait économiser, ce serait bien. Parce que de toute façon, ces déchets-là, ces déchets recyclables vont être relavés, ou enfin, en tout cas, du coup, lavés dans les usines de recyclage. Donc, si l'usine de recyclage utilise de l'eau pour le laver et vous-même, du coup, ça fait double lavage finalement qui ne sert pas à grand-chose, quoi. Et les emballages de plats préparés, est-ce qu'on peut les mettre dans les sacs jaunes ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend, en fait, si effectivement c'est très, très souillé. Effectivement, s'il y a des plats en sauce, on peut éviter. Après, par exemple, votre carton de pizza, s'il y a 2-3 taches d'huile, on peut le mettre. Voilà. Et les boîtes de conserve, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de s'en séparer? Par exemple, est-ce qu'on doit enlever l'opercule ou pas? Pas forcément, hein, encore une fois, l'idée c'est vraiment de tout mettre par contre en vrac dans votre poubelle jaune ou les points d'apport volontaires pour les déchets recyclables. L'idée c'est vraiment de les mettre en vrac pour que quand ça arrive au centre de recyclage, en fait chaque, nous on appelle des matières, hein, chaque matière puisse aller dans la bonne ligne pour ensuite être transformée dans une usine de recyclage. C'est sûr que par exemple on voit souvent des imbriqués, donc quand on dit imbriqué, c'est par exemple quand vous avez votre paquet de gâteaux, une fois que vous avez tout mangé vos cookies, vous remettez à l'intérieur du carton le blister et puis le contenant en fait, où il y a les gâteaux. Et en fait, si vous venez au centre de recyclage, vous verrez que les déchets sont triés via des trioptiques, donc c'est de manière automatisée. Et quand en fait, votre carton de paquet de gâteaux arrive, forcément le trioptique ne verra pas à l'intérieur qu'il y a un blister, qu'il y a du plastique en plus. Donc ce qu'il faut, c'est bien les mettre séparément dans la poubelle jaune pour qu'on puisse effectivement mieux les recycler ensuite. J'avoue que je fais ça moi aussi, et aussi quand je reçois des colis par des grandes enseignes de livraison, je mets souvent l'emballage plastique par exemple du produit que je commande dans le carton. Eh bien, faut l'enlever. Comme ça, vous saurez, Laura, pour la prochaine fois. L'idée, c'est vraiment de tous les séparer, quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut mettre aussi les bouteilles d'eau avec ou sans bouchon, du coup? Alors là, ça dépend effectivement, parce que je sais qu'il y a des filières où il y a des collègues de bouchons pour ensuite participer à des associations caritatives, notamment autour du handicap. Donc si vous trouvez un point de collecte des bouchons, vous pouvez les mettre là. Après, de toute façon, si vous souhaitez les mettre dans la poubelle jaune, il faut bien le laisser sur la bouteille. Voilà, parce qu'après, comme c'est trop petit, en fait, ça va passer entre les mailles du filet et ce sera considéré, voilà, ce qu'on appelle nous les filles. Donc, vaut mieux, en fait, bien le revisser. Après, il y a quand même pas mal de marques, justement, qui maintenant limitent les... Enfin, on ne peut plus les enlever, d'ailleurs, mm-hmm. Les bouchons. Donc, ça permet, voilà, d'avoir un meilleur taux de recyclabilité, en tout cas, des poubelles. Des bouteilles, pas des poubelles. Des bouteilles en plastique. Est-ce qu'on peut mettre des piles dans les sacs jaunes? Oh, surtout pas. Non, surtout pas. C'est ce qu'on appelle, nous, un déchet toxique, hein, parce qu'il y a quand même des produits toxiques à l'intérieur de vos piles. Donc, le meilleur endroit où vous pouvez les amener, c'est soit en déchetterie, soit aussi dans votre magasin. Il y a beaucoup quand même de points de collecte de piles pour qu'ensuite, elles peuvent être retraitées et réutilisées ce qu'on peut réutiliser. Est-ce qu'on peut mettre aussi des cartouches d'encre d'imprimante? Non plus. Juste le carton d'emballage, finalement. Oui, voilà, le carton d'emballage. Donc, voilà, très clairement, ce qu'il faut se dire par rapport aux poubelles jaunes, c'est si c'est un emballage, on peut le mettre. Voilà, très clairement, si c'est pas un emballage, on ne le met pas. Il y a soit des filières mises en place en déchetterie ou dans des points de collecte, comme j'évoquais tout à l'heure. Si c'est un emballage en plastique, d'autant plus depuis le 1er janvier 2021, c'est quand on a communiqué sur les emballages plastiques, il y a des personnes qui ont retenu en plastique. Mm-hmm. Et du coup, on a retrouvé notamment des objets en plastique, des jouets, etc. Donc non, ça, ce n'est pas un emballage. Donc soit, effectivement, si c'est un jouet, par exemple, qu'on peut réutiliser, bah, pourquoi pas aussi le redonner. S'il est en mauvais état, bah, là, amenez-les en déchetterie. Donc du coup, tout ce qui est masques chirurgicaux, gants chirurgicaux, bouteilles de gel hydroalcoolique et produits cosmétiques, c'est dans les poubelles normales. Alors, tout ce qui est gants et masques dans la poubelle noire, hein, poubelle grise, parce qu'on n'a pas encore des filières de recyclage, en tout cas pas sur le territoire. Ensuite, tout ce qui est flacons hydroalcooliques ou cosmétiques, les bouteilles de shampoing, le dentifrice, ça par contre, c'est dans la poubelle jaune, parce que c'est un emballage en plastique. Voilà. Alors, il y a sur le marché des stylobies qui sont fabriqués avec des bouteilles d'eau recyclées. Comment c'est possible ? Alors ça, effectivement, bah, c'est aussi l'importance et l'intérêt de bien faire le geste de tri, parce qu'en fait, une fois que la bouteille plastique en fait atterrit au centre de recyclage, ensuite, bah, elle va partir dans un centre de recyclage, une usine de recyclage, et en fait, la matière va être retransformée en paillettes, et du coup, c'est ce qu'on appelle de la matière première secondaire, c'est-à-dire qu'on va réutiliser une matière pour refaire un autre objet. Donc c'est le cas pour les stylos. Après, il y a plein d'exemples. Hein. C'est sûr que, par exemple, on va vous donner... alors, j'ai un petit peu mon anti-sèche sous mes yeux. Par exemple, si vous mettez 6 pots de yaourt dans votre poubelle jaune, bah, ça va permettre de le retransformer en un cintre. 163 pots et barquettes, bah, on peut recréer une chaise de jardin. 7 pots et barquettes pour une écharpe polaire, etc., etc. Donc, c'est sûr que, voilà, quand on met les emballages... plastique ou autre, en tout cas dans la poubelle jaune. L'idée, c'est aussi de pouvoir réutiliser cette matière pour refaire des nouveaux objets. Voilà. Au lieu de réutiliser des matières premières qui devront être extraites sur la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du verre recyclé ? Du verre. Voilà. Le verre, en fait, c'est la particularité du verre, c'est recyclable à l'infini. C'est-à-dire que voilà, la matière, le verre, c'est à partir en fait hein, de calcin et de verre recyclé. Et donc voilà, une bouteille en verre va être retransformée en bouteille en verre. Voilà, c'est à l'infini le verre. Et on a la chance d'avoir, effectivement, je me permets de le dire, ce qui est important, c'est que quand même 70% des déchets recyclables sur l'ensemble des Vosges est recyclé dans les Vosges. Ça, c'est vraiment important. On a notamment Hawaii Manufacturing qui est présent à Gironcourt. Donc ça, c'est une verrerie qui retransforme le verre, les bouteilles de verre en bouteilles de bière, je ne citerai pas le nom. on a aussi la chance d'avoir Loucart à Laval-sur-Vologne. Donc Loucart, eux, ils transforment en fait vos emballages de lait, par exemple, donc les Tetra Pak, hein, du coup, ils le retransforment en papier d'essuage et papier toilette. On a Norske Skog à Golbey qui retransforme du coup le papier en papier journal. Et on a également Velman qui est à côté de Neufchâteau qui retransforme en fait les emballages en plastique. Alors on parlait des composts aussi, c'est quoi ? Alors, le compostage, en fait, c'est la définition du compostage, en fait, c'est la dégradation, en fait, de vos biodéchets. Donc, quand on dit biodéchets, c'est soit vos restes de cuisine, soit vos épluchures de fruits et de légumes. Et en fait, par le fait des petites bêtes qui se trouvent, en fait, dans la terre, vont se désagréger et vont retransformer, en fait, en compost, c'est-à-dire de l'engrais. Voilà. Et donc, on va dire, il y a des règles d'or hein, du compostage. C'est déjà quand vous mettez ce qu'on appelle nous de la matière humide, hein, c'est que voilà, les biodéchets, les déchets de cuisine, c'est humide. Donc il faut le mélanger avec la moitié de matière, ce qu'on appelle la matière sèche, hein, donc des copeaux, du paillage, etc., ou même du carton. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est effectivement bien aérer. Et puis la troisième, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre dans le composteur, notamment, ou alors avec parcimonie, notamment tout ce qui est viande et plats en sauce. Ça, faut vraiment éviter. Mais c'est vrai que c'est vraiment important. En tout cas, c'est un des gestes à mettre en place si on veut, en tout cas, réduire les déchets. Parce que sachez que dans la poubelle grise, donc nous, en fait, tous les 4 ans, on regarde ce que vous déposez dans la poubelle grise pour voir un petit peu ce qui doit être, ce qui ne doit pas y être. Et sachez que la poubelle grise des Vosgiens reste encore un tiers de déchets qui sont compostables. Et comme je dis souvent, c'est les biodéchets, les déchets de cuisine ou déchets de jardin, c'est humide. Donc, en fait, on envoie de l'eau dans l'usine d'incinération. Donc, c'est quand même assez paradoxal, quoi, de se dire, on amène de la matière humide, de l'eau, à se faire brûler. Donc, alors qu'effectivement, on peut le mettre dans un composteur qui se retransforme ensuite en engrais. Et ça ne coûte rien. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que le traitement des déchets, ça a quand même un coût. Une usine d'incinération, ça a un coût. Et que, par exemple, un Vosgien qui trie coûte 7 fois moins cher à la collectivité qu'un Vosgien qui ne trie pas. Parce que trier ses déchets, ça permet aussi d'avoir des déchets recyclables in fine. Et si ça arrive à l'usine d'incinération, certes, c'est revalorisé énergétiquement. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir trier ce qu'on peut encore réutiliser, quoi. Quelles sont les différentes valorisations énergétiques ? Alors, il n'y en a qu'une. C'est effectivement celle qui se passe à Rambervillers. C'est donc une unité de valorisation énergétique, à différence d'une usine d'incinération qui ne réutilise pas la chaleur produite par le brûlage des déchets. Donc, nous, on a mis en place, effectivement, on a retransformé notre usine d'incinération pour qu'elle devienne, qu'elle ait un taux de performance, là je vais rentrer dans le détail, énergétique. C'est-à-dire que, du coup, elle transforme, en fait, la chaleur, donc un circuit en tout cas d'eau chaude pour pouvoir chauffer les bâtiments publics de Rambervillers, et on a aussi une production d'électricité. Donc du coup, nous on revend aussi une partie de la production à EDF. Donc je pense que au vu à l'heure actuelle, on parle beaucoup de sobriété énergétique, c'est un bel exemple en tout cas d'énergie réutilisable. Je dirais à moindre coût quand même pas, mais en tout cas c'est pas des énergies fossiles et c'est pas des énergies qui viennent de très loin, quoi. Donc je pense que tout le monde va vouloir venir s'installer à Rambervillers pour avoir accès à cette chaleur-là. Alors, c'est quoi les futurs projets avec Evodia ? Alors, justement, on est en train de préparer l'inauguration de cette unité de valorisation énergétique et on a créé en fait un parcours pédagogique de l'unité de valorisation énergétique, donc qui s'appelle Phoenix. Donc, les personnes pourront visiter et découvrir comment fonctionne aussi cette unité. Donc, ça, c'est notre gros projet de fin d'année. Éco-manifestation Vosges aussi, c'est un gros projet qui nous tient à cœur. Mon entreprise zéro déchet, ça, c'est véritablement aussi important pour nous. Et puis, on va continuer à mener de front des actions pour réduire les déchets. Parce que pour nous, le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et on souhaite vraiment tendre vers le zéro déchet. Même si on sait que c'est utopique, il y aura toujours des déchets. Mais si on peut en avoir moins, ce serait bien. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, effectivement, on a notre site Internet, donc c'est evodia.org. Donc, sur ce site-là, vous retrouvez les consignes de tri, vous inscrire à nos ateliers, vous inscrire aussi sur nos visites de site, et puis les chiffres clés que Laura a donnés pour effectivement savoir le nombre de kilos. Vous pourrez briller en société. Est-ce que vous savez que des Vosgiens, est-ce que vous savez que 500 kilos par an par habitant ? Non, je plaisante. Et puis ensuite, on a différents réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, on a également un compte Instagram et on a également un compte LinkedIn. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à Evodia ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'effectivement, que tout le monde, en tout cas, aille dans le même sens, de se dire que entreprises, habitants, collectivités, on aille tous dans le même sens pour réduire les déchets. Et si déchets il y a, c'est aussi les recycler, ceux qui peuvent être recyclés. Ce sera déjà une très bonne chose. Et puis, continuer à se dire qu'on est optimiste par rapport à la suite et on mettra tout en œuvre, en tout cas, pour accompagner au mieux les Vosgiens dans cette quête-là. Alors, cette émission est maintenant terminée. Elodie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laura, pour l'invitation. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Très bien, puis je voulais juste revenir sur mes choix musicaux. Ah oui, donc le premier c'était, voilà, alors c'est vrai que c'est des choix personnels, hein, qu'on ne gâche pas ma collectivité. Mm-hmm. Mais le premier effectivement c'est Clara Luciani, La Grenade, bah, c'est l'Octobre Rose, voilà, pour les femmes qui se battent contre le cancer. La deuxième, je crois que c'était Angèle pour Tempête, donc là c'est lié aussi aux violences faites aux femmes. Et la troisième, c'était autour de Boulevard Désert, c'était sur aussi la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc c'était des combats personnel, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!